Tes yeux sont les deux colombes de mon amour. Tes yeux se posent sur moi quand descend le jour. Mon cœur, dans un long frisson, cherche dans tes yeux l'éclat de ce bel amour qui n'est qu'à nous deux. Plus doux que le soir qui brille argenté de lune, tes yeux m'apportent le feu où mon désir s'allume. Et serré dans tes bras, quand tu dis je t'aime, c'est la seconde suprême où tes yeux sont à moi. Tes yeux sont les deux colombes de mon amour. Tes yeux se posent sur moi quand descend le jour. Pour moi, tes yeux ont une âme où je viens prier. Émerveillé. Parfois, si j'ai peur de perdre ma seule chance, je lis dans ton beau regard qu'il faut avoir confiance. Tu me prends dans tes bras, tu me dis je t'aime. Seconde même, j'ai retrouvé ma joie.